Vas-y, dépêche-toi là. Dépêche-toi, putain, on est pressé. Attends, pas de pub, pas de pub. Mais quoi, pas de pub, on est pressé, je te dis là. Là, c'est le stud. Je peux gaffe. Putain, faire. C'est lent celui-là. Mon dieu. Il fait chier. Putain de merde, vas-y, viens. Attends. Putain de merde là. Mais cavale, gros chien là. Attends. Putain. Mal à la tête, un soupçon de bédo noyé dans la tise. La matrice a créé la crise et voir tout ça bas sa matrice. Pas d'amatrice, je suis pas dramaturge, je suis juste un artiste. Je fais de la street et demande à la maîtresse, pareil que c'est de l'artrice. Pas d'arthrite avant la retraite, faut que je m'agrippe et pas que je regrette. Je lâche pas la grappe, même quand j'ai la grippe, jamais je m'arrête ma plume et lâcher mon texte. Trop romantique peut-être, des insultes dans la bouche, mais j'y peux rien, ton remords dans ma tête. Ton bise le fait pas en tête, si t'es pas en tête, si t'es pas en tête, faut que t'en profites tant que t'es pas en tête. Parenthèse, tu fais comme eux quand t'es parenthèse. Entre parenthèses, tu t'en fous de ce que tes parents disent, y'a pas de blanche neige. Dans ce monde, y'a que des manches pierres et dans ce piège. Même les petites 8 ans sortent les lance-pierres. Fumeur plante verte, rouler mon pète, mon premier plan se pète. Respect, c'est pas parce qu'on est dedans qu'on est des manches merde. Lancer le débat, passons soit de terre depuis le début. Et depuis le départ, y'a trop d'abus, j'dois visquer tous ces fils de pute. J'ai la ganache qui gêne, j'suis type qui gère le lancer de fumigène. J'suis coupable d'une seule chose, c'est d'avoir volé le chat de la mère Michel. Lancer le débat, passons soit de terre depuis le début. Et depuis le départ, y'a trop d'abus, j'dois visquer tous ces fils de pute. J'ai la ganache qui gêne, j'suis type qui gère le lancer de fumigène. Je suis coupable d'une seule chose, c'est d'avoir volé le chat de la mère Michel. Qu'on vacille, qu'on perd pas le nord devant un string ficelle. Crevard jusqu'au bout, nous on se visquit dès qu'on fait la vaisselle. Je suis pas le messie mais le message dit qu'on peut aimer ça. Merci mais t'étonne pas après si j'ai les mains sales. La vie m'assomme, je connais les paraboles mais pas les parasols. Y'a trop de putes autour de moi donc parfois je me sens hyper. Du sang black, des yeux noirs, j'ai une peau de toubab. Putain de coupable quand on me traitait de bâtard. Moi je plaidais pas coupable, ce qui m'accable c'est qu'à 15 piges j'étais en garde-ave. Demande à Niav, moi au bahut c'est un kilo dans le cartable. On dit que je suis pas magique. Boycott magique dans tous les magazines, ils pensent donc ils sont. Sauf que moi pour être faux que j'assassine. On peut atteindre la cime, demander asile pour pas avoir le seum. Faut que j'assomme, tu sais que je tape de loin un petit peu comme Dachine. Donc c'est pour ceux les purs sang qui puissent en font des purs sons. Tout pas mémoricien, tchonk celtis mais à 200%. Lancer le débat, passons soit de terre depuis le début. Et depuis le départ, y'a trop d'abus, j'dois visquer tous ces fils de pute. J'ai la ganache qui gêne, j'suis type qui gère le lancer de fumigène. J'suis coupable d'une seule chose, c'est d'avoir volé le chat de la mère Michel. Lancer le débat, passons soit de terre depuis le début. Et depuis le départ, y'a trop d'abus, j'dois visquer tous ces. Depuis j'ai la ganache qui gêne, je suis type qui gère le lancer de fumigène. Je suis coupable d'une seule chose, c'est d'avoir volé le chat de la mère Michel. On se pète le crâne, pour oublier que la vie est crâne. On pète un cap, je sais pas si c'est le désarme, mais c'est ma vie que je crame. Le monde est vide, mais pas les onces. Demande à Mandela, à mon délit de nuit. Pour toi ma gueule, tu sais que tout le monde est là. Pour mes délits, délire des piles. La Mandela à haut débit, comme vous dit Bill. Le monde se vide, car la mort est là, ma vie me lasse. Je suis pas le colosse, mec, je fais pas de menace. Les plus forts d'entre nous seraient un polos dans les favelas. Lancer le débat, passons soit de terre depuis le début. Et depuis le départ, y'a trop d'abus, je dois visquer tous ces fils de pute. J'ai la ganache qui gêne, je suis type qui gère le lancer de fumigène. Je suis coupable d'une seule chose, c'est d'avoir volé le chat de la mère Michel. Lancer le débat, passons soit de terre depuis le début. Et depuis le départ, y'a trop d'abus, je dois visquer tous ces fils de pute. J'ai la ganache qui gêne, je suis type qui gère le lancer de fumigène. Je suis coupable d'une seule chose, c'est d'avoir volé le chat de la mère Michel.